tu te prendras par la main, tu buteras dans les cailloux, tu écorcheras tes genoux, tu écorcheras ton cœur, et tu retiendras tes pleurs. La route sera difficile, les lendemains imbéciles. Alors, pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Si tu as le cœur lourd, envie de faire demi-tour, envie de tout foutre en l'air, de tout envoyer par terre, tu retrouveras les copains, la table peint et le vin, le feu dans l'âtre et les chansons qu'on chantait à l'unisson. Allez, pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Les chajous, les phlegmatiques, leurs histoires sont fantastiques. Les guitares jouent cabossées, mais toujours bien accordées. Si tu as le cœur lourd, alors viens faire un petit tour. Viens t'envoyer en l'air, viens t'enrouler par terre. Allez, pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu. Pose ton sac, ton cœur en vrac, ferme les yeux, respire un peu.